Le diabète correspond à une élévation anormale de la glycémie, c'est-à-dire une augmentation du taux de sucre dans le sang. En cas de maladie, on observe une carence d'insuline ou une résistance à l'action de cette hormone qui permet normalement de réguler la glycémie, selon le docteur Innocent Nkurunziza, directeur du programme national des maladies chroniques non transmissibles. Le diabète est une maladie qui est caractérisée par une augmentation exagérée du sucre dans le sang suite soit à l'absence de cette hormone qu'on appelle insuline qui est sécrétée par le pancréas ou par carence de cette insuline dans le sang, soit le pancréas sécrète une quantité suffisante mais les réserves en graisse et en glucose sont tellement élevées qu'il est difficile que seule l'insuline sécrétée par l'organisme réduise ce taux de glycémie dans le sang. Il y a différentes formes de diabète selon toujours le docteur Nkurunziza. Premièrement, c'est une maladie héréditaire qu'on appelle diabète type 1. Qui est caractérisé par l'absence d'insuline dans le sang, ce qui entraîne une augmentation non contrôlée du sucre dans le sang. Il y a aussi le diabète type 2, qui est la forme la plus fréquente, qui touche environ 70 à 90% de la population. Le diabète type 1 héréditaire touche de 2 à 7% de la population. Toutes les catégories de gens peuvent être touchées par le diabète, y compris les enfants. La catégorie des gens qui sont touchés par le diabète, ce sont les enfants mal nourris, donc qui ont une malnutrition aiguë ou chronique, qui entraîne aussi la destruction du pancréas et l'absence ou la carence en insuline. Deuxièmement, la grande catégorie, ce sont des gens qui, à partir de 30 ans, quand ils sont fonctionnaires ou commerçants, gagnent beaucoup de poids, donc en excès pondéral, avec absence du tout du sport, ou très rarement le sport, ils ne bougent pas du tout. Ils mangent en excès, c'est-à-dire la malnutrition est de deux types, type carentiel et type excès, et qui entraîne l'obésité. Une soif intense et une augmentation de l'appétit sont parmi les principaux symptômes de la maladie, comme l'indique le docteur Innocent Nkurunziza. L'individu en question a beaucoup de soif, il boit beaucoup et il va à chaque fois, quand il boit, il va au petit besoin. Les autres symptômes, c'est la faim intense et tu manges beaucoup. Mais malgré que tu manges beaucoup, tu ne grossis pas. Le troisième signe le plus important, c'est l'asthénie. Donc, une faiblesse généralisée, tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu restes comme abattu, sans force. À la longue, un taux de sucre élevé dans le sang entraîne certaines complications, notamment au niveau des yeux et des reins. Nous y reviendrons dans notre prochaine chronique santé.